الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله aujourd'hui c'est le 26e cours du kitab 100 سؤال وجواب في العقيدة 200 questions et réponses dans la croyance. En ce moment on est en train d'étudier le pilier lequel c'est le pilier numéro combien ça? C'est le cinquième pilier. Et on est en train de voir toutes les choses qui sont en rapport avec la croyance au jour dernier. Car on a vu que croire au jour dernier implique beaucoup de choses. Et on a dit que de manière global, jumla, al-iman bil-yawm al-akhir wa al-iman bi-kulli ma yakunu ba'da al-maut. Inna kulla man mata qamat qiyamatuhu. Donc on a dit que en résumé ou de manière globale ou générale, la foi au jour dernier consiste à croire à toutes les étapes qui auront lieu après la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt, son heure a commencé. Et si on va de manière détaillée, ou bien on veut au plus recentrer la foi au jour dernier, on va dire que c'est trois choses. Qui s'en rappelle? Ibrahim. La résurrection. L'iman bil ba'd. Ihya'ul amwat min al qubur. L'iman bil hisab, qui est le jugement. Khalid, al-iman bil jaza, la rétribution. Ma huwa al jaza? Al-jannah ou an-nar, l'enfer ou le paradis. Ensuite, on a vu toutes ces choses-là et on a vu des signes. Plutôt, on a vu des signes de l'heure, de la fin des temps, alamat as-sa'a, et on a vu aussi al-adilla ala al-iman bil-maut, les preuves qu'on doit avoir la foi en la mort. Mais ça, c'est une chose que à laquelle les gens croient même s'ils n'ont pas de iman, même s'ils n'ont pas de foi. Ensuite, on a vu la semaine dernière deux questions. Qui est-ce qui s'en rappelle? Ibrahim. La première question, c'était par rapport à alam al-barzakh et alam al-qabr, ma yakunu fil qabr min fitna. ثم بعد ذلك الفتنة المقصود منها السؤال ثم بعد ذلك إما عذاب القبر أو نعيمه. On a vu que dans la tombe toute personne va être interrogée, c'est ce qu'on appelle la fitna, c'est-à-dire les questions que la personne va recevoir dans sa tombe. Quelles sont ces questions? ما هذه الأسئلة? Le frère qui répond, il lève la main, il parle pas directement. Qu'est-ce qui va se passer dans la tombe? Qui va nous poser des questions? Awal Chey. Qui va nous poser des questions? Munkar et Nakir. C'est qui? C'est des anges. Qu'est-ce qu'ils vont nous poser comme question? Abdelaziz. Quel est ton seigneur? En arabe. Man Rabbouk. Man Rabbouk. Man Dinouk. Ma Dinouk. وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Après ce test, les gens, ils vont se diviser en deux. بعد هذا السؤال الناس قسمان. Les gens vont se diviser en deux. Quelles sont ces deux catégories de gens? ما هذا القسمان؟ Quand les gens, ils vont être interrogés, maman. Ceux qui ont suivi le prophète, ça fait partie. Walakin, quand les gens ils vont recevoir les questions, après ils vont se diviser en deux. Ceux qui vont voir leur place au paradis et ceux qui vont voir leur place en enfer. Taïk. Ceux qui vont voir leur place au paradis et ceux qui vont voir leur place en enfer. Ceux qui vont voir leur place en enfer, qu'est-ce qu'ils auront en attendant? En attendant le qiyam, en attendant l'heure, ils vont avoir azab al-qabr. Afan Allah Ils vont voir le châtiment de la tombe. Et les autres? Naïm al-Qabr. Les délices de la tombe. Ensuite, on a vu des hadiths qui nous parlent de ça. Dans ces hadiths, on a vu qu'il y a des anges qui vont venir. Ya'ti ba'd al-mala'ika bimitraqa law duriba biha jabalun lakana turaba. Les anges vont venir avec une massue, matariq, wa yuqalu anha al-mirzabba fil hadith al-sahih. Cette massue, elle s'appelle mirzabba. Les anges vont venir avec cette mirzabba, c'est-à-dire une énorme massue, un gros marteau. Et si on frappait avec ce marteau une montagne, elle tomberait entièrement en poussière. Et celui qui va se faire frapper par cette massue, c'est celui qui ne va pas répondre aux trois questions, celui qui n'arrivera pas à répondre. Après le qabr, avec le marhala l'oula, ça commence par le qabr. Les étapes de l'au-delà commencent par le maut, le qabr, ce qui va se passer dans la tombe. Après ça, il y a une autre étape, et c'est le ba'th, c'est la résurrection. Wa huwa ihya ul amwat wa ikhrajuhum min al qubur idha nufikha fi sur an nafkhah al thaniya aw al thalitha wa sana tkallam ala hadha. Donc la question 110 maintenant, as-su'al al-ashir ba'd al-mi'a, ma dalil al ba'th min al qubur, quelle est la preuve que les gens seront ressuscités à partir de leur tombe? Vous avez déjà compris qu'est-ce que c'est le ba'ath, être ressuscité. C'est que les gens, ils vont sortir de leur tombe quand le malak Israfil va souffler dans As-Sur. Wa huwa buq ala hay'ati qarn. Buqun 'azim ala hay'ati qarn, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est une trompe immense dans laquelle Israfil va souffler, et cette trompe ressemble à une énorme corne. Il va souffler dans cette trompe et les gens sortiront de leur tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené dans le Coran beaucoup, beaucoup de preuves que les gens vont être ressuscités. Al-adilla fil Coran ala al-ba'ath kathiratun jiddan. Elles sont très nombreuses. Et on a expliqué pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il parle beaucoup de ça dans le Coran. Al-ba'ath. Qui est-ce qui a la réponse? D'immense pour les Arabes. Non, c'est pas ça, Mohamed. Parce que le peuple de Quraysh, كانوا يكذبون بالبعث والنشور مع أنهم يؤمنون أن الله خلق الناس ولكن ما كانوا يؤمنون أنه سبحانه وتعالى يعيد خلقهم. Et donc ce peuple-là croyait qu'Allah a créé les gens, mais ils ne croyaient pas qu'Allah va ressusciter les gens. Et c'est pour cela que le Coran est rempli de versets qui nous montrent qu'Allah va nous ressusciter. Al-Jawab, qawlullah ta'ala, la réponse. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfa, thumma min alaqa, thumma min mudgha, mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Donc le premier verset qui est cité ici, c'est dans sourate Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend l'homme au défi et il dit: ô vous les hommes, celui parmi vous qui doute de la résurrection, man kan yashukku fil ba'th falyasma' hadha al-kalam, qu'il entende cette parole. Fa inna khalaqnakum min turab, Allah nous dit, on vous a créé à partir de terre. Qui man alladhi khuliqa min turab? Adam alayhi salam. Al-Bashar khuliqa min turab, lakin Adam awwal man khuliqa min turab. Adam est le premier à être créé de terre. Ensuite Allah dit thumma min nutfa, ما المعنى بالنطفة؟ المني إذا دخل في رحم المرأة. الله عز وجل dit puis d'une goutte, c'est-à-dire une goutte de sperme. المني المقصود هو المني, le spermatozoïde qui se mélange à l'ovule de la femme et après ça fait un bébé dans le ventre. Donc au début l'être humain c'était de la terre, ensuite mani, ensuite alaqa, c'est-à-dire une sangsue, ensuite mudra. Mudra c'est un bout de chair. Mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa. Mudra laha sura sawaraha Allah azza wa jal wa khalaqaha wa yani ja'ala laha hay'a wa ukhra ما عندها هيئة فيحصل السقط, يسقط الجنين. ولذلك قال لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. بعض الأجنة جمع الجنين يسقطون من بطون أمهاتهم والآخرون يقرهم الله عز وجل في الأرحام فيثبتون, يثبتهم الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل عظيم على قدرة الملك الديان سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, nous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une sangsue, puis sous la forme d'un bout de chair qui est créé et qui a sa forme et un autre qui ne l'a pas. Allah Azza wa Jal, il fait référence ici à l'embryon quand il est dans le ventre de sa mère. Quand il est dans le ventre de sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala le crée étape par étape. Marhalatan marhala. Il le crée étape par étape. Il y en a à qui Allah va leur donner leur forme et leur création. Et il va les faire évoluer dans le ventre de leur mère. D'autres, à qui Allah subhanahu wa ta'ala va décider de ne pas leur donner leur forme, ils vont tomber du ventre de leur mère. C'est ce qu'on appelle en arabe saqt ou bien la fausse couche en français. Allah azza wa jal ici, il nous montre que c'est lui qui maintient ce qu'il veut dans les matrices, dans l'utérus de la mère. Et c'est lui qui, s'il veut, le bébé il ne tient pas. Pour cela, Allah a dit tout de suite après, pour qu'on vous montre les preuves claires. Ça, c'est une preuve de la puissance d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah a dit, et on maintient dans les matrices, dans l'utérus de la mère, ce qu'on veut, jusqu'à un terme fixé. Ensuite, Allah a dit, il en est ainsi, car Allah est la vérité, et il va faire revivre les morts, et certes il est capable de tout, et l'heure arrivera très certainement, il n'y a aucun doute, et Allah fait revivre ceux qui sont dans les tombes. Allah fait ressortir ceux qui sont dans les tombes. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Sahih al-Bukhari, قال alayhi salatu wassalam, inna ahadakum لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous voit sa formation ou sa création dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous la forme d'une goutte, le spermatozoïde pendant 40 jours, quand il se mélange à l'ovule, il se met sous la forme d'une goutte et reste sous cet état pendant 40 jours. Ensuite, il change et il devient comme une sangsue pendant 40 jours. Ensuite, il change et il devient comme une pâte mâchée pendant 40 jours, ça fait 120 jours. Après ces 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange qui lui met l'âme, il lui insuffle l'âme et il lui écrit les quatre choses qui sont la subsistance, ses actions, la date de sa mort et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Donc le prophète alayhi salam nous montre la création de l'homme dans le ventre de sa mère et il nous explique par ça le verset. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه, أي إعادة الخلق أهون من الخلق وإن كان كل منهما ليس عزيزا على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى dit dans sourate الروم, et c'est lui qui a débuté la création et qui va la refaire encore une fois. Et cela est plus facile pour lui. C'est-à-dire refaire la création est plus facile que la faire la première fois. Parce que la faire la première fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé comment l'homme il va être, comment il va être formé, comment le corps il sera, comment les arbres seront, comment les montagnes seront. Pour la première fois, badi'u samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre sans exemple précédent. Il a innové la création des cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de les recréer comme ils étaient déjà, c'est facile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les deux choses sont faciles pour Allah. Rien n'est difficile pour Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il parle à Quraysh. Parce que Quraysh, le peuple du prophète, alayhi wa sallam, yu'minuna bi anna Allah khalaqahum. Allah يقول لهم إذا ils croient que Allah les a créés. Allah leur dit, si vous croyez que je vous ai créé, comment vous ne croyez pas que je vais vous ressusciter alors que c'est plus facile? C'est pour ça qu'Allah dit ça dans ce verset. وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Allah dit dans le verset, comme on vous a créé la première fois, on recommencera cette création. Une promesse qui nous incombe et que nous allons exécuter. وقوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Allah عز وجل dit على سبيل الذم يذمهم سبحانه وتعالى. Allah blâme ceux qui ne croient pas en la résurrection et il dit dans sourate Maryam, et l'homme dit, l'homme mécréant, l'homme dit, est-ce que lorsque je serai mort, on me fera ressortir vivant? Allah répond, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'auparavant nous l'avons créé alors qu'il n'était rien? Il n'existait même pas, il n'était rien. C'est pour ça qu'Allah dit, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah Azza wa Jal dit, comment me croyez-vous? Comment me croyez-vous en Allah alors que vous n'existiez pas? Vous étiez mort, alaykum salam. Vous étiez mort, bima'na annahum lam yujadu. Il n'existait pas. Fa'ahyakum, il vous a donné la vie. Thumma yumitukum, ensuite il vous fera mourir. Thumma yuhyikum. Thumma ilayhi turja'un. Puis il vous fera revivre encore, et ça c'est la résurrection. Puis vers lui vous retournerez. Et le jour du jugement dernier, quand ces gens-là, ils vont revenir vers Allah, Allah Azza wa Jal nous dit dans surat Ghafir, il nous dit, en nous parlant de ces gens-là, Allah Musta'an. Passe-moi un mushaf, Yunus. Dans surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Ghafir, je n'ai même pas croyé surat Yunus. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans cette surah, attendez que je trouve le verset parce que je l'ai oublié. Inna alladhina kafaru yunadawna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'awna ila al-imani fatakfurun. Certes, les gens qui ont mécru seront appelés. يوم القيامة ينادون. الله يقال لهم إن الذين كفروا ينادون. يقال لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يعني أنتم الآن ترون العذاب فتمقتون تكرهون أنفسكم. الله سبحانه وتعالى يكرهكم كراهية أشد من كراهيتكم لأنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes ceux qui ont mécru seront appelés. L'aversion qu'Allah a pour vous est pire que celle que vous avez pour vous-même. Parce que quand les mécrants ils vont voir le feu de l'enfer, ils vont se détester. Ils vont regretter la désobéissance. Ils vont regretter le mal qu'ils ont fait. Et ils vont se détester. Et là on va leur dire, Allah vous déteste plus encore que vous ne vous détestez vous-même. Il tud'auna ila al-iman fatakfurun. Lorsque vous étiez appelés à la foi, vous mécroyez. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى سبيل فهل إلى خروج من سبيل أي فاعترفنا بذنوبهم فهل إلى خروج من سبيل. Regardez maintenant il croit. Il veut dire, Ya Rabbana, amattana thnatay wa ahyaytana thnatay, kunna adaman fa khalaqtana. Hada maut, hadihi haya. Wa ba'da dhalika amattana, hadihi al-mautatu thaniya, thumma ahyaytana, hadihi al-hayat al-thaniya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils vont dire, oh notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois, et tu nous as fait vivre deux fois. Les deux morts dont Allah parle ici, c'est avant qu'ils existent. Allah, il a appelé ça maut, avant qu'ils existent. Puis la mort après dunya, après le bas monde. Et les deux vies, la vie de dunya et la vie de l'akhirah. Regardez maintenant, quand ils vont arriver, qu'ils vont voir l'enfer et qu'ils vont entendre qu'Allah les déteste, ils vont reconnaître. Ils vont dire, Rabbana matana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bi dhunubina. Maintenant, on reconnaît nos péchés. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ. Y a-t-il une possibilité maintenant de sortir du pays du châtiment? وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. الآيات. En sourate Yassin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'homme ne voit-il pas que c'est nous qui l'avons créé à partir d'une goutte de sperme, et le voilà maintenant un disputeur acharné. Khalaqahumullahu azza wa jal min nutfa falamma kanu kibaran ahabbu al-khusuma ma'a al-anbiya ta'ti lahum al-anbiya yaquluna lahum aminu billah wa hum yukhasimuna al-anbiya wa yujadilun مع أنهم كنطفة في بطون أمهاتهم. Allah Azza wa Jal dit que ces gens-là qui ont mécru ne se rappellent-ils pas qu'ils étaient avant une goutte de sperme, qu'ils n'étaient rien, et maintenant qu'ils sont grands, qu'ils ont la force, ils aiment le débat, ils aiment débattre quand on les appelle à la croyance en Allah et au prophète alayhi salam. Ils ne veulent pas, ils débattent et ils disent la al-aql la yusaddiqu hadha, ils disent la raison ne croit pas à ça. Et ils parlent que de aql, aql, de raison. Et ils oublient un aql maqsoud, le Coran ou la Sunna. Ils oublient le Coran ou la Sunna. Ensuite, Allah dit, il nous a donné un exemple en s'oubliant lui-même. Il s'est oublié, il a oublié sa création. Qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Il dit, qui va faire revivre les os après qu'ils soient effrités, yani les os morts, les os détruits. Allah dit, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Dis, ô Mohammed, réponds à ces gens-là, alayhi salatu wassalam, celui qui les a créés la première fois est celui qui va les faire revivre. Rajulun ja'a ila an-nabi alayhi salatu wassalam. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wassalam. Il a ramassé un os par terre et il l'a effrité comme ça. Il a dit, ya Mohammed, atazumu anna rabbaka yab'athu hadha? Est-ce que tu insinues ou bien tu prétends que ton Seigneur va faire revivre cet os? Et il s'amusait devant lui à l'effriter pour lui dire, je ne crois pas à cette histoire. Le prophète alayhi salam qala na'am yumituka thumma yab'athuka thumma yadkhiluka jahannam. Donc comme قال عليه السلام, il lui a répondu, oui, il va te faire mourir, il va te ressusciter et après il va te faire entrer en enfer. Et Allah, il a révélé ce verset. Wa qawluhu ta'ala awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin 'ala an yuhyiya al-mauta bala innahu 'ala kulli shay'in qadir lam ya'ya ay lam yat'ab subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre sans éprouver la moindre fatigue est capable de faire revivre les morts? Bien sûr que si. Et certes, il est capable de tout. Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaaha la muhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir wa ghayruha min al-ayat. Et le dernier verset qu'il a cité est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces signes, min ayati Allah allati tadullu 'ala qudratihi وأنه لا يستحق العبادة إلا الله أنك ترى الأرض خاشعة ليس فيها شيء ميتة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت قامت ونبت فيها جميع النباتات إن الذي أحياها بهذا الشكل بهذه الصورة هو الذي يقدر على أن يحيي الموتى لأنه على كل شيء قدير. الله يقول يا parmi ces signes les signes qui montrent sa puissance et qu'il est le seul à avoir le droit à être adoré, que tu vois la terre humiliée. C'est-à-dire, tu vois la terre morte. Tu vois la terre nue. Il n'y a aucune fleur. Il n'y a aucune verdure. Il n'y a rien. Lorsqu'Allah fait descendre l'eau, il fait tomber la pluie, elle se lève, elle évolue, elle change, les plantes poussent. Les plantes poussent. Ensuite, Allah nous dit, celui qui a fait revivre cette terre est capable de faire revivre les morts. C'est un signe parmi les signes d'Allah. Allah il nous montre, il nous dit, il dit à tout le monde, si vous ne croyez pas qu'Allah est capable de faire revivre le mort, regardez comment Allah fait revivre la terre. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre les arbres, fait revivre les plantes et les verdures. Et celui qui fait revivre ses verdures et ses plantes est celui qui va faire revivre l'homme, parce qu'il est capable de tout. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبل هامدة وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال والآن يأتي بحديث لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله بل هو حديث ضعيف comme a dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup d'exemples dans le Coran pour nous montrer qu'il va faire revivre les morts en nous montrant qu'il est capable de faire revivre les plantes. Faut pas attendre les gens comme ça. En nous montrant qu'il est capable de faire revivre les plantes et la terre après leur mort, après la sécheresse. Et ensuite il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi montré un exemple, mais ce hadith qu'il va nous rapporter ici il n'est pas sahih, c'est un hadith faible. Dans ce hadith là il est dit que le prophète alayhi wa sallam aura dit wa la amru ilahika ma yada'u ala zahriha ay la yatruku Allah ala zahri al-ard min masra'i qatilin wa la madfani mayyitin illa shaqqat anhu al-qabr حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه يقول رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية انظر الآن كلمات صعبة مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم يلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصوات ومن مصارعكم لكن الحديث هذا لا يصح حديث ضعيف على كل حال. Le résumé de ce hadith c'est que on dit que le prophète عليه الصلاة والسلام aurait dit à un compagnon je jure par Allah qu'Allah ne va pas laisser sur terre dans l'endroit où quelqu'un a été tué ou dans l'endroit où quelqu'un a été enterré sans que la terre ne s'ouvre et que la tête de la personne qui est morte ou qui est enterrée se mette droite et que son Seigneur lui dise qu'est-ce que tu as, et il va répondre, il va commencer à dire des paroles tellement le temps a passé vite, il va dire oh mon Seigneur, hier, aujourd'hui le temps il a passé très il a été très rapide. À la kulli hal, à la fin du hadith il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple au compagnon qui lui a dit comment Allah va nous faire revivre après que les vents et on ait été détruit par les vents et on ait été mangé par les bêtes etc. Et à la fin le prophète alayhi wa sallam lui donne l'exemple d'une terre morte. Allah a fait descendre la pluie, cette terre a retrouvé la vie celui qui a fait vivre cette terre est encore plus capable, ou bien est capable aussi de faire revivre les morts. Ala kulli hal, le hadith il est dhaif, lakin al ma'na sahih. Le sens il est correct. السؤال الحادي عشر بعد المئة ما حكم من كذب بالبعث ما الجواب la question 111 quel est le statut d'une personne qui mécroit en la résurrection كافر أكيد أكيد نعم أكيد العقيدة دائما يكون الإنسان فيها على يقين الجواب هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله il nous dit celui qui mécroit en la résurrection a mécru en Allah en ses livres et en ses messagers لماذا قال كافر بالله وبكتبه ورسله لماذا لم يقول كافر بالله فقط pourquoi a-t-il dit celui qui mécroit en la résurrection a mécru en Allah en ses livres et en ses messagers parce que les prophètes ils ont mis les preuves dans les livres, c'est marqué aussi que ça parle de ce jour. Et c'est quoi la troisième chose? Les messagers et les livres. Les messagers et les livres, les preuves, ça remet les preuves. Ala kulli hal, ça c'est une bonne réponse, mais lui le cheikh ici il a fait ça pour une autre raison. Pourquoi? Hatta la yatawahhama mutawahhimun أن المقصود بالكفر هنا كفر أصغر قال كافر بالله وبكتبه ورسله وهذا لا يكون إلا كفر أكبر il a voulu ici nous dire que celui qui mécroit la résurrection a fait de la mécréance majeure qui le sort de l'islam il n'est plus un croyant parce que s'il avait dit c'est un mécréant ou il a mécru on aurait pu comprendre qu'il se peut que ce soit de la mécréance mineure mais ici il a dit il a mécru en Allah en ses livres et en ses messagers et celui qui fait ça n'est qu'un mécréant d'une mécréance majeure, il est sorti de l'islam et ensuite la réponse du frère elle est correcte aussi c'est parce que dans le livre d'Allah il y a des informations sur la résurrection et aussi dans les paroles des messagers d'Allah alayhi salatu wa salam قال الله تعالى وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون Les mécréants ont dit, est-ce que lorsqu'on deviendra poussière, nous et nos ancêtres, nous allons être sortis de la terre, on va nous faire sortir de la terre? Comment tu comprends de ce verset que celui qui mécroit la résurrection est un mécréant? وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون Là, et les mécréants ont dit et lorsqu'on sera poussière nous et nos ancêtres est-ce qu'on nous fera ressortir de la terre طيب c'est qui a la réponse لا بد الإنسان أن يتأمل في الآية دائما إذا جاء العالم بآية يستدل بها على شيء تنظر في الآية مع ما هي العلاقة مع هذا الشيء الذي خالد وقال الذين كفروا الله حكم عليهم بالكفر لأنهم كذبوا بالبعث وقال الذين كفروا فهم كفار الله a jugé d'eux qu'ils sont des mécréants dans le même verset des fois on n'a pas besoin d'aller loin faut juste méditer faut pas se presser quand tu lis l'aya ou quand tu lis le hadith il ne faut pas se presser il faut regarder dans le verset parce que si le shir l'auteur du livre ramène ce verset c'est que dedans il y a la preuve et quand tu médites tu vois que Allah dit وقال الذين كفروا et ceux qui ont mécru ont dit Allah a jugé qu'ils sont des mécréants وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله عز وجل دين سورة الرعد il dit à son prophète صلى الله عليه وسلم et si tu t'étonnes sache que leurs paroles est étonnante lorsqu'ils disent Est-ce que lorsqu'on redeviendra de la terre, on va être recréé une nouvelle fois? Allah a dit, ceux-là sont ceux qui ont mécru en leur Seigneur. Et ils sont ceux à qui on mettra des carcans dans leur cou. Yani Allah, il va faire attacher leur cou en enfer. Et ils sont les gens qui entreront en enfer pour y rester éternellement. Donc on voit que celui qui mécroit al-ba'th, la résurrection, il va aller en enfer éternellement. Et Allah a dit, Oulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Ceux-là sont ceux qui ont mécru en leur Seigneur. Wa qala ta'ala, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات. Le dernier verset qu'il a cité est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Répond, bien sûr que si, je jure par mon Seigneur que vous allez être ressuscités et on va vous informer de ce que vous avez fait comme acte. Et certes, cela est facile pour Allah سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. Et donc le dernier hadith qu'il cite, il est rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le fils d'Adam m'a démenti alors qu'il n'avait pas à faire cela. Il m'a insulté, il n'avait pas à faire ça. Donc Allah nous dit que le fils d'Adam a démenti Allah et a insulté Allah alors qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Ensuite Allah Azza wa Jal va nous expliquer et il nous dit, lorsqu'il m'a démenti, c'est en disant, il ne me fera pas revenir comme il m'a créé la première fois. Et ensuite Allah dit dans la suite du hadith que la création, le fait de وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ, le fait que Allah Azza wa Jal va recréer est une chose qui est plus facile que la première création. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاي, et son insulte, c'est lorsqu'il a dit Allah s'est attribué un enfant alors que je suis l'unique, je suis un samad, je n'ai pas enfanté et je ne l'ai pas été et nul ne m'est égal. Ma ma'na samad. Wa anta kul yawm taqul qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Qu'est-ce que ça veut dire as-samad? Et c'est une sourate que tu récites tout le temps. Man alladhi la ya'rifu qul huwa Allahu ahad huna. La sourate. Qui est-ce qui ne sait pas, qui ne connaît pas la sourate qul huwa Allahu ahad? Il lève la main. Sans avoir la honte, s'il y en a qui ne connaît pas, il lève la main et dit je ne connais pas. Allah il a dit faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce qui vous est facile du Qur'an. Donc kullukum tahfazun hadhihi surah. Vous mémorisez tous cette surah. Je me trompe ou pas? Je ne me trompe pas. Tayyib. Man alladhi ya'rifu ma'na as-samad. Qui est celui qui connaît le sens du mot du nom d'Allah as-samad? Il me répond pas. Il me dit s'il connaît. Il me donne pas le sens. Attendez. 1, 2, 3 et 4. 5. Sur toutes ces personnes qui connaissent Qul huwa Allahu Ahad et qui récitent cette sourate depuis des années, il y a que 5 personnes qui savent ce que ça veut dire. Ça, c'est pas bon. Hada la yasluh. La yasluh. Wallahi la yasluh. Si fi dunya, fi amrin min umuri dunya, dans lequel, une chose de ce bas monde, dans lequel on va gagner une chose importante, on va gagner de l'argent, on a un problème, il faut qu'on règle un problème, c'est impossible qu'on va pas aller apprendre comment régler ce problème, comment gagner, comment réussir. Tu récites Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad depuis peut-être des années, et tu sais toujours pas ce que ça veut dire Samad. alors que Samad c'est un nom d'Allah. Ça c'est grave. C'est grave, c'est pas bien ça. Donc le nom As-Samad qui est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'na min as-samadiyya. Le nom d'Allah qui est As-Samad, l'attribut qu'on en tire s'appelle en arabe as-samadiyya. Tayyib. Les Arabes, ils ont tous un chef de tribu. Ra'is al-qabila 'inda al-arab yusamma 'indahum bis-samad. ومعنى الصمد الذي يرجع إليه جميع الناس لقضاء حوائجهم. Et le sens du mot Samad est celui vers qui tous les gens reviennent pour régler leurs problèmes et pour trouver une solution à leurs problèmes et pour satisfaire leurs besoins. C'est pour ça que les Arabes d'avant, ils appelaient le chef de leur tribu Samad. Pourquoi ? Parce que tous les gens revenaient vers lui quand il y avait une dispute, quand il y avait un conflit. Quand il y avait un problème à résoudre, ils allaient directement voir le chef de cette tribu qui s'appelait As-Samad. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vrai As-Samad, vers lequel tout le monde revient quand ils ont un besoin. Donc c'est ça le nom, le sens du mot As-Samad. Fahimta ya abd As-Samad? Alhamdulillah. As-su'al al-thani ashar ba'd al-mi'a. La question 112. Il nous reste du temps. La question 112. ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه. La question 112. Quelle est la preuve que l'on va souffler dans la trompe et combien de fois on va y souffler? Déjà, en fait, avant de rentrer dans ça, ceux qui expliquent ce livre, ils disent que ça aurait été mieux si le cheikh rahimahullah avait déjà expliqué qu'est-ce que c'est un nafkh fi sour. Ala kulli hal, un nafkh fi sour, le fait de souffler dans la trompe, huwa amalu Israfil alayhi salam, c'est le travail de l'ange Israfil. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Israfil qui est un ange à qui il a donné la mission de souffler dans la trompe. Il soufflera dans une trompe qui a été décrite par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu comme une corne géante, immense. Et le but pour lequel il va souffler dans la trompe, c'est pour avertir les gens et prévenir les gens que le jugement va commencer. Tayyib. Donc quand est-ce que ça va arriver? Idha qamat as-sa'a, lorsque l'heure va arriver. Israfil va souffler dans la trompe alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dans le ma'na du hadith, le sens du hadith, a dit comment je vais me sentir bien et tranquille dans la sécurité alors que sahibul qarn iltaqama wa qad iltaqama sahibul qarn ilqarn. Comment je vais être tranquille, calme et rassuré alors que celui qui a la trompe l'a mis dans sa bouche et il attend à la trompe, il attend à souffler dedans. Donc Israfil, depuis qu'Allah lui a donné le travail de souffler dans la trompe, il a la trompe dans la bouche et il attend, il a la trompe, il tient la trompe et il attend qu'Allah lui donne l'ordre de souffler. Et lorsqu'il va souffler, l'heure va arriver, mais il va souffler plusieurs fois. Il va souffler plusieurs fois. Et les savants ont divergé. اختلف العلماء كم مرة ينفخ إسرافيل في الروح. Combien de fois إسرافيل va souffler dans la trompe? Certains ont dit deux fois, d'autres ont dit trois fois. On va lire la réponse ici. الجواب قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي هذه الآية ذكر النفختين الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي أصغى ليتا ورفع ليتا رفع عنقه إلى السماء شيئا ما هكذا أصغى ليتا ورفع ليتا يريد أن يسمع من أين يأتي هذا الصوت وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق ويسعق الناس ثم يرسل الله أو قال وينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفقة ثالثة متقدمة على النفقتين ويؤيدهما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفقات نفقة الفزع ونفقة الصعق ونفقة القيام لرب العالمين على كل حال ici il nous cite l'épreuve montrant qu'on va souffler plusieurs fois dans la trompe et que les savants ont divergé. Certains ont dit qu'on va souffler deux fois, donc Israfil va souffler deux fois. D'autres ont dit qu'il va souffler trois fois. Le premier verset qu'il nous cite est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on soufflera dans la trompe. Les gens ou les habitants des cieux et de la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah veut, c'est-à-dire sauf ce qu'Allah veut préserver du foudroiement. Et les savants disent qu'on ne sait pas c'est qui va être préservé. Car il y a une catégorie de créatures d'Allah qui ne vont pas être foudroyées ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement dernier, quand il va être ressuscité par Allah, il va voir Moussa à côté du Arsh. Il dit, je ne sais pas si ma adri afaqa qabli ou kana min alladhina istathnahum Allah bi ma'na allahu lam yus'aq. Il dit on va me ressusciter, je vais voir Moussa près du trône, je ne sais pas s'il a été ressuscité avant moi ou bien s'il n'a même pas été foudroyé, et il fait partie des gens qu'Allah a accepté dans le verset. Donc dans le verset Allah a dit que les habitants des cieux de la terre vont être foudroyés sauf ceux qu'Allah va choisir, ils ne vont pas être foudroyés. Ala kulli hal, ensuite Allah dit thumma nufikha fihi ukhra, puis on soufflera dans la trompe une autre fois. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ. Et à ce moment-là, ils seront debout à regarder. كَمْ نَفَخَاتَ الْأَنْ فِي الْآيَةِ. Combien de fois Allah Azza wa Jal ici a parlé de souffler dans la trompe? Deux fois. Une fois où ils seront foudroyés et l'autre fois où ils seront réveillés et ils seront debout. Dans l'autre verset, Allah a dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. Et le jour où on soufflera dans la trompe, فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Et à ce moment-là, les habitants des cieux, ou ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, seront terrifiés. الْفَزِعَ الرُّعْمَ الْخَوْفُ الشَّدِيدِ. Ils seront terrifiés, sauf ce qu'Allah veut. C'est-à-dire, sauf ce qu'Allah veut préserver de cette terreur. طيب. Les savants de l'islam, en prenant ces deux versets, certains ont dit qu'Allah Azza wa Jal va ordonner à Israfil de souffler deux fois dans la trompe. Le premier, la première fois, ça s'appelle Nafratu, hein? Nafratu al-Sa'aq, ou Nafratu al-Maut, ou Nafratu al-Faza'. Pour ceux qui voient qu'il y a deux fois qu'on va souffler dans la trompe, ils disent que les noms de cette fois-là, ça sera le soufflet de la mort, le soufflet de la terreur ou le soufflet du foudroiement. Taïb. Et le deuxième, Nafratul Ba'ath, le soufflet de la résurrection. Et les autres qui ont dit qu'on va souffler trois fois, ils ont dit il y a Nafratul Ula, wa hiya Nafratu al-Faza', thumma Nafratu al-Sa'aq, wa huwa al-Maut, thumma Nafratu al-Ba'ath, wa huwa al-Qiyam. Et les autres savants ont dit qu'on va souffler trois fois dans la trompe. La première fois pour mettre al-khawf, al-faza', al-khawf al-shadid fi qulubihim, la grande peur et la grande terreur dans leur cœur. Ensuite, Israfil va souffler une deuxième fois pour les foudroyer et ils vont tous mourir. Ensuite, Israfil va souffler une troisième fois et ils vont se lever et être ressuscités. Ils se sont basés sur ce verset-là où Allah a dit « Et le jour où on va souffler dans la trompe, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront terrifiés. » Donc ici Allah Azza wa Jal dhakara al-faza' wa lam yadhkur as-sa'q wa la al-ba'th. Il a parlé de la peur, il n'a pas parlé de La ilaha illallah, il n'a pas parlé de la résurrection ou de la du foudroiement. Donc il a fait la différence entre le faza' et sa'. Il a fait la différence entre la peur, la terreur et le foudroiement. Mais les savants, on a dit qu'ils ont divergé. Ibn Kathir rahimahullah, il dit qu'il y a thalath nafakhat. Il dit que Israfil va souffler trois fois pour jeter dans leur cœur al-khawf, la terreur, deuxième fois pour les faire mourir, troisième fois pour les ressusciter. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah, il dit nafratan, c'est-à-dire on va souffler deux fois dans la trompe. La première fois, al-faza' thumma al-maut. Fi nafratin wahida yahsul al-faza' thumma ba'da waqt as-sa'q wa al-maut. Il dit la première fois Israfil va souffler, ça va leur mettre dans leur cœur la terreur, et à cause de cette terreur, peu de temps après ou du temps après, ils vont mourir. Donc ce même soufflet, une fois, va causer deux choses: la terreur dans leur cœur et ensuite le foudroiement qui va causer leur mort. Et la deuxième fois il va souffler, c'est pour les ressusciter. Ça c'est l'avis de l'imam al-Qurtubi rahimallah. À la kulli hal, ça c'est un khilaf entre les ulama jusqu'à maintenant. Mais le but ici, c'est que vous sachiez qu'il y a deux paroles chez les savants. Et ceux qui disent qu'il y a deux fois, ils prennent pour preuve ce que l'imam muslim rahimahullah nous rapporte, ce hadith de Abdullah ibn Umar. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. Il nous dit, puis on soufflera dans la trompe, et aucun des gens n'entendra le soufflet sans lever légèrement sa nuque pour chercher à savoir. Il va lever sa nuque, il va lever légèrement sa tête ou sa nuque pour regarder vers le ciel d'où vient ce bruit, parce que ça va commencer doucement. Et certains parmi les ulama disent que le soufflet, il va être long, et au début le bruit il va arriver doucement. Et à chaque fois que les gens vont l'entendre, ils vont lever leur tête et ils vont chercher d'où le bruit vient, d'où ça vient. Et à ce moment-là, il nous dit wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawda ibilihi. Et le premier à entendre le bruit de la trompe est un homme qui sera dans le bassin dans lequel il y a l'eau pour que les chameaux viennent boire. Il sera en train de s'occuper du bassin de l'eau pour ses chameaux, c'est le premier qui va entendre ce bruit. Quand il va entendre ce bruit, qu'est-ce qui va se passer? Il va être foudroyé, et les gens aussi vont être foudroyés. Ensuite, le prophète alayhi salam dit: ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه طل أو قال الظل. هذا الشك من الذي روى الحديث وهو شعبة رحمه الله. شك هل قال الطال أو يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام الطل أو قال الظل. ومن العلماء من يقول هو الطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول ينزل الله مطرا في معنى الحديث كهيئة مني الرجال، كمني الرجال، ومني الرجال هو الذي يشبه الطل. على كل حال، البروفيت عليه الصلاة والسلام dit puis Allah fera descendre une pluie. Et ici il y a un doute de la part du rapporteur du hadith. De la part du rapporteur du hadith, à quoi va ressembler cette pluie. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'elle va ressembler aux spermatozoïdes de l'homme. Yani ça sera des gouttes solides, des gouttes d'eau qui vont sortir et qui seront grosses et solides. Tanbudu minhu ajsad an-nas. Et là, les corps des gens vont pousser, vont sortir de la terre. Et on sait que le Nabi alayhi salam nous a dit: min ayna yabda khalq al-insan min jadid, min madha, min ajb al-dhanab. Ajb al-dhanab huwa al-amud al-saghir alladhi huwa fi bidayati silsilati al-amud al-fiqari. Le prophète alayhi salam nous a dit que le corps va recommencer à se reconstruire à partir de ajb al-dhanab. Ajbud Zanab, c'est le coccyx. Le coccyx qui est le début de la colonne vertébrale. Ajbud Zanab, ça s'appelle en arabe. La colonne vertébrale, silsilat al-amud al-fiqari. La colonne vertébrale, la kulli hal. Donc, à partir de là, les gens, ils vont être ressuscités. Il dit ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Et après, on soufflera encore une fois et les voilà debout à regarder. Et dans ce hadith-là, qui est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, il y a deux nafras. Il y a deux souffles, il n'y en a pas trois. La première, le premier, c'est quand l'homme va l'entendre, il va être foudroyé, il va mourir, et tous les autres aussi. Et la deuxième, c'est quand ils vont se lever. Ce hadith, il est authentique, il est rapporté par muslim, rahimahullah. Ensuite, il nous dit, وَمَنْ فَسَّرَ الْفَزَعَ بِدُونِ الصَّعْبِ. Et celui parmi les ulama qui voit que la terreur, الْفَزَعَ, c'est une troisième fois qu'on soufflera, c'est un autre souffle qui est le premier dans lequel les gens, à cause duquel les gens vont avoir la peur, ensuite le deuxième avec lequel ils vont mourir, et le troisième avec lequel ils vont être ressuscités. Ils ont pris pour preuve un hadith tawil, ma'ruf bi hadith sur, walakin hadha al hadith la yasih. الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. Ce hadith, il a été rendu faible ou jugé faible par l'imam al-Albani رحمه الله. والشيخ الألباني أعلم الناس من المعاصرين من العلماء في علم الحديث في صحة وضعف الحديث. الشيخ الألباني, c'est le plus savant des savants contemporains dans la science du hadith. على كل حال, خلاف بين العلماء, c'est une divergence entre les savants. علماء اللجنة الدائمة يقولون بأن عدد النفخات اثنتان. Les savants de اللجنة الدائمة comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz رحمه الله disent qu'on soufflera deux fois dans la trompe. وشيخ صالح الفوزان يقول ثلاثة. Cheikh صالح الفوزان dit trois fois. على كل حال, c'est une divergence entre les savants. السؤال الثالث عشر بعد المئة. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ La question 113. Quelle est la description du rassemblement dans le Coran? Al-Hashr, يوم يحشر الله عز وجل الناس فيجمعهم لميقات يوم معلوم. Ce qu'on veut dire par Al-Hashr, le rassemblement, c'est le jour où Allah عز وجل va tous nous rassembler pour nous juger. Ce rassemblement, il a une description. Comment ça va se passer يوم القيامة? Ça a été décrit par Allah سبحانه وتعالى. الجواب في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى ولقد جئنا فرادا ولقد جئتمونا فرادا أي واحدا واحدا كما خلقناكم أول مرة. Donc dans la description de comment aura lieu le rassemblement, il y a plusieurs versets. Le premier que le Cheikh a cité est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle Allah nous dit, et certes, vous nous êtes venus, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, vous viendrez un par un. Vous viendrez un par un, comme on vous a créé, c'est-à-dire comme on vous a créé la première fois. Et Allah azza wa jalla nous a créé comment? Hufatan, uratan, ghurlan, ay ghayr makhtunin. C'est-à-dire, on va venir nus, pieds nus et incirconcis, comme on va voir dans le hadith qui va venir après. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا et لَمْ نَتْرُكْ مِنْهُمْ وَلَمْ نَنْسَ مِنْهُمْ أَحَدًا. Allah a dit dans le verset de sourate Al-Kahf, et nous les rassemblerons sans en oublier aucun. Donc ici, on voit qu'on va venir un par un pour le jugement, et Allah n'en oubliera aucun. وقوله تعالى ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Allah عز وجل a dit dans ce verset que le jour du jugement dernier, il va rassembler ceux qui ont été pieux et qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala pour les amener vers le paradis, et ceux qui ont été des criminels, les kuffars et les pécheurs, pour les ramener vers l'enfer. Et chacun, les gens du paradis seront rassemblés ensemble, les gens de l'enfer, ils seront rassemblés ensemble. وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة اليمين وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة الشمال والسابقون السابقون وهم المقربون. السابقون أي السابقون في طاعة الله هم السابقون في دخول الجنة. السابقون هم السابقون. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et vous serez trois catégories. Le jour où vous serez ressuscité et rassemblé, vous serez trois catégories. Et là, Allah nous dit: premièrement, les gens de la droite. Qui te dira qui sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche. Qui te dira qui sont les gens de la gauche? Ensuite, Allah nous dit: et les premiers à avoir devancé sont les premiers qui devanceront. Alaykum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire les premiers qui ont devancé tout le monde dans l'obéissance d'Allah sont ceux qui devanceront tout le monde dans l'entrée au paradis. Wahumul muqarrabun. Ce sont les rapprochés. Ce sont les rapprochés. Wa qawluhu ta'ala yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khashi'at al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa hamsa. وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل أي الهمس. Et ici il nous dit, Allah a dit, le jour où ils suivront l'appeleur, celui qui va les convoquer, lorsque tout le monde, on sera tous appelés à être jugés, à comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit que tout le monde va suivre l'appeleur qui va les convoquer. Ils vont tous venir, à l'endroit où ils sont appelés, et les voix vont se rabaisser. Les gens, ils ne vont plus parler fort, ils ne vont plus crier, ils ne vont plus parler fort, et tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Al-Hams, qui est le chuchotement, certains savants, comme celui-là ici, rahimahullah, a dit que c'est, on entendra, le seul bruit qu'on entendra, c'est le même bruit que les chameaux font quand ils marchent. Et c'est connu que les chameaux, quand ils marchent, contrairement aux chevaux et autres parmi les animaux, ils font pas beaucoup de bruit. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir des chameaux, j'ai eu l'occasion de voir des chameaux, quand ils marchent, j'entends presque pas de bruit. C'est pour dire que les gens parleront presque pas, ils ne feront aucun bruit. Et certains parmi les savants ont dit que le hams, c'est al-mukhafata, al-kalam al-khafi. Wa kullu hadha sahih. Al-hams huwa sawtun khafi. Et tout cela est vrai. Car certains savants ont dit que le hams, le chuchotement, c'est le chuchotement que vous connaissez quand on parle à voix basse. Mais tout ça est vrai. Ce qui est tiré de ce verset, c'est qu'on n'entendra pas beaucoup de bruit, presque pas de bruit, tellement les gens auront peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hashar, faut savoir une chose aussi. Al-Hashar, Hashran, ou Qisman. Le rassemblement est de deux sortes. Awwal al-hashr, عندما تخرج نار من عدن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلدة في اليمن تخرج من هذه البلدة نار فتحشر الناس تدفعهم حتى أرض الشام وهي أرض الحساب. الحشر الثاني هذا قبل الفصل بينهم قبل الحساب. الحشر الثاني هو حشر المتقين إلى الجنة وحشر المجرمين إلى النار بعد الفصل بينهم بعد الحساب. Donc le rassemblement, il y en a deux dans le Coran et la Sunna. Le premier, c'est celui qui aura lieu lorsque un immense feu va sortir de la ville de Adan qui est au Yémen pour repousser les gens jusqu'à les emmener vers la terre du Sham, près de la Syrie, la Palestine, etc. Et c'est dans cette terre-là que tout le monde sera jugé. Le deuxième rassemblement, c'est celui avec lequel Allah va rassembler les gens pour les emmener au paradis, et donc les criminels pour les emmener en enfer. Et cela, c'est après le jugement. Donc il y a un rassemblement avant le jugement, un autre rassemblement après le jugement. Et Allah a dit également, et c'est le dernier verset qui a été cité, وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Et le prophète, et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et quiconque Allah guide, c'est lui le bien guidé, et celui qu'Allah égare, tu ne lui trouveras pas d'allié en dehors de lui, tu ne lui trouveras personne qui pourra le protéger de l'égarement. Et Allah a dit, et nous les rassemblerons le jour de la résurrection sur leur visage. et ensuite on va voir l'explication dans un hadith. وغير ذلك من الآيات كثير. Et beaucoup d'autres versets également sont venus dans ce sens. السؤال الرابع عشر بعد المئة. Question 114. كيف صفته من السنة؟ Quelle est la description du rassemblement donné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par le prophète alayhi salatu wa sallam? الجواب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va l'expliquer phrase par phrase. Il a dit, يُحْشَرُ النَّاسِ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقِ أي على ثلاث طرق ثلاثة أصناف وهم أصحاب اليمين أصحاب الشمال والمقربون. Dans cette première partie, le prophète alayhi sallam a dit, les gens seront ressuscités sur trois voies. Il y aura trois chemins. Et ils seront de trois catégories. Les rapprochés dans leur chemin, les gens de la droite dans leur chemin, les gens de la gauche dans leur chemin. Raghibina, rahibin. Raghibin, rajina, rahmatallah. Raghibin, khaifina min iqabillah. Ils seront pleins d'espoir pour la miséricorde d'Allah et pleins de peur pour le châtiment d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, wathnani ala ba'ir. Là ici, on parle de l'hashr bin-nar. Yani l'hashr qabla al-fasl, qabla al-qiyam, qabla al-hisab. وهم في الدنيا يحشرون بهذه النار ويمشون على ثلاث طرائق. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام ici nous parle du rassemblement qu'il y aura sur terre, celui qui va être provoqué par le feu qui sortira de Aden, qui va pousser les gens jusqu'à les emmener dans la terre du Shem. Ces gens-là se diviseront en trois, ceux de la droite, ceux de la gauche et les rapprochés. Ils auront peur du châtiment d'Allah et ils espéreront la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura deux personnes sur un chameau, wa thalathatun ala ba'ir, trois personnes sur un chameau, wa arba'atun ala ba'ir, quatre sur un chameau, wa asharatun ala ba'ir, et des autres à pied. Il y aura deux personnes assises sur un chameau, trois sur un chameau, quatre sur un chameau, dix sur un chameau. C'est-à-dire que pour aller vers la terre du Sham, il y en a qui vont marcher, mais il y en a aussi qui seront sur des chameaux. Et les gens qui seront sur des chameaux, il y aura, tu verras ce jour-là, un chameau avec deux personnes dessus, un autre avec trois personnes, un autre avec quatre, un autre avec dix personnes. Et à tour de rôle, ils s'échangeront les places. C'est-à-dire que les gens qui seront, les deux qui seront sur un chameau, ils vont marcher, marcher, marcher, ensuite ils vont descendre. Deux autres personnes vont prendre leur place. Pareil pour les trois, pareil pour les quatre, pareil pour les dix. Et ils vont tous aller en direction de Sham pour être jugés. وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارِ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا. Et le reste des gens va être rassemblé par le feu, ce feu-là qui va sortir de Aden. Donc ce feu va pousser tout le monde, des gens à pied et des gens sur des chameaux. تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا هَذَا مِنَ الْقِيلُولَ عِنْدَمَا يَعْمَلُونَ الْقِيلُولَ يَقِيلُونَ يقيلون بمعنى أنهم يستريحون تقيف النار وعندما تمشي تدفعهم النار. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, là où ils feront la sieste, le feu s'arrêtera, et lorsqu'ils se lèveront pour repartir, le feu repartira. وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُ أي تَكُونُ مَعَهُمْ فِي الصَّبَاحِ حَيْثُ كَانُ. Et le feu sera avec eux au matin dans l'endroit où ils seront. وَتُمْسِ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْ. Et le feu sera le soir dans le même endroit que eux ils seront. À la kulli hal, on retient de ça qu'un feu va sortir de Aden pour repousser tout le monde vers Sham. Ce jour-là, les gens se diviseront en trois. Les rapprochés qui sont les meilleurs parmi les gens pieux, les gens de la droite qui sont des gens pieux, et les gens de la gauche. Ces gens-là auront peur du châtiment d'Allah, mais ils espéreront la miséricorde d'Allah. Parmi ces gens-là, il y en a qui seront sur un chameau, 2, 3, 4, 10. Et ils se feront passer à tour de rôle la place sur le chameau. Et allez comme salam. Et le feu restera avec eux et les repoussera jusqu'à les emmener là où ils seront jugés. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة أنس بن مالك رضي الله عنه nous dit qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au prophète d'Allah comment le mécréant va-t-il être ressuscité sur son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, celui qui est capable de le faire marcher sur ses deux pieds n'est-il pas capable de le faire marcher ou de le faire traîner sur son visage, de le ressusciter sur son visage. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innakum mahshuruna hufatan uratan ghurlan hufat ay لا نعال لهم عرات لا لباس غرلا غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم وهذا من فضائل نبينا إبراهيم عليه السلام أنه أول من يكسى يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit vous allez être rassemblés, c'est-à-dire le jour de la résurrection, vous allez être rassemblés pieds nus et incirconcis. Ensuite il a récité la parole d'Allah, comme nous avons créé la première fois, nous recommencerons cette création, c'est-à-dire nus, sans vêtements, sans sandales, les pieds nus et sans la circoncision. Ensuite il nous dit et la première créature qui sera vêtue et qui sera habillée, c'est Ibrahim alayhi salam. فقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء عليكم السلام الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وكل هذا الحديث في البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها a dit au messager d'Allah, les hommes et les femmes se regarderont les uns les autres parce que on va être tous nus, tous pieds nus, incirconcis. Aïcha radiallahu anha a dit ya Rasulallah, on va être tous nus, on va tous se regarder les uns les autres. Et le prophète alayhi salam a dit l'affaire sera tellement terrible que les gens ne se regarderont pas les uns les autres. Ils ne seront pas préoccupés par regarder à droite ou à gauche, par regarder comment sont les gens. Ils seront préoccupés par leur propre situation. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Wallahu a'lam. Wa nas'al Allah ta'ala an yufaqihana fid din wa yaghfira lana dhunubana wa yasfura 'uyubana wa yadkhilana al-janna wa yaghfira li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa yufarrija 'anil muslimina fi kulli makan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.